whatever it be, mama, whatever it be, papa. Moi je vérifie si l'angle c'est vraiment joyeuse. Moi je vérifie, mama, moi je vérifie, papa. Whatever it be, mama, whatever it be, papa. Moi je vérifie, mama, moi je vérifie, papa. Whatever it be, mama, whatever it be, papa. Moi je vérifie, mama, moi je vérifie, papa. Moi je vérifie si tout va bien pour mes proches. Moi je vérifie si quelqu'un c'est dans ma poche. Je veux plus jamais revivre ma vie de pauvre maman. Ne laissons qu'un négro dire en moi mes lots. Viens ma surveillance, tout ça monétise. C'est pas l'Amérique mais y'a toutes sortes de bêtises. Y'a toujours une nouvelle frappe, on ne peut pas s'habituer. Chargé de haut en bas, ses habits vont nous tuer. Elle dit d'adieu, mais moi mis au bord. Va sur Instagram, tu vas pas regretter. Et va sur Instagram, tu vas pas regretter la joie. Moi je vérifie si mes gosses ont toujours à l'heure. Moi je vérifie papa, moi je vérifie maman. Moi je vérifie si l'ambiance est vraiment joyeuse. Moi je vérifie maman, moi je vérifie papa. Moi je vérifie maman, moi je vérifie papa. Moi je vérifie maman, moi je vérifie papa. Moi je vérifie si l'ambiance est vraiment joyeuse. Moi je vérifie maman, moi je vérifie papa. Moi je vérifie si mes gosses ont toujours à l'heure. Moi je vérifie papa, moi je vérifie maman. Moi je vérifie si l'ambiance est vraiment joyeuse. Moi je vérifie maman, moi je vérifie papa. Moi je vérifie maman, moi je vérifie papa. Moi je vérifie maman, moi je vérifie papa. Moi je vérifie papa, moi je vérifie maman. Moi je vérifie.